L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Barack Obama et Mitt Romney se sont rencontrés dans une ambiance agréable, lors d'un dîner de gala caritatif à New York. Ils étaient en costume noir et se sont fait quelques vannes. On peut dire que c'était des Men in Black. Oh là là. Jessica Biel et Justin Timberlake se sont mariés en Italie. Ils ont tout fait pour éviter les paparazzi et les curieux. Pour Justin et Jessica, prochaine étape, la lune de miel. D'accord. Kanye West a agressé un paparazzi à la sortie d'un restaurant de Miami. Il a tenté de protéger Kim Kardashian et ne s'est pas retenu. Kanye West était complètement à l'ouest. Le père du coureur cycliste, Frank Schleck, aurait conseillé d'arrêter le vélo. C'est à cause de nombreux revers, comme un contrôle positif et un diurétique lors du dernier Tour de France. Exactement, il est loin le temps où Schleck était en vert. Et pour terminer, si vous aimez les films pour les ados et les fruits exotiques, regardez le film American Papaye. Oh là là là. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio. Tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Question existentielle, c'est maintenant. Et c'est à base de quoi ce matin alors? À base de vache. De vache. Bah, en fait, j'ai pensé à Audrey qui a mangé comme une vache ce week-end. Écoute, ça aurait pu, mais en fait, non, ça n'a aucun rapport. Ah bon, d'accord, ok. Ce matin, je me suis fait mes cornflakes, tu vois. J'ai regardé ma bouteille de lait et je me suis dit, le premier mec qui a été touché le pied d'une vache, il voulait faire quoi là-bas? Ouais, non, c'est vrai, ouais. À mon avis, c'était un truc pas très catholique. Qu'est-ce qu'il lui voulait au départ, le mec? C'est vrai que c'est louche, ça. Ouais, qu'est-ce qu'il lui voulait à Marguerite? Et voilà. Bah, tiens. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais demander aux gens si eux, ils savaient peut-être. D'accord, ouais. Bon, on va aller à Oreille. Bonne question. Hein, et là aussi, le mec, à un moment, quand il a appelé sa ville comme ça, comment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Quand il a dit, tiens, je vais appeler ma ville Oreille. Oreille. Ouais. Bon, bah écoute, on va y aller, hein, c'est parti. Attends, on a de grandes questions existentielles, comme vous pouvez le remarquer. Oreille? C'est la ville qui est à l'écoute. Ah ouais. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, voilà, en fait, je vous appelle, j'avais une petite question à vous poser. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis Toff, et vous-même, vous êtes qui? Non, pardon, vous êtes qui? Je suis Toff. C'est qui, Toff? Bah, c'est moi, qui voulez-vous que ce soit? Écoutez, monsieur, on n'appelle pas chez les gens à cette heure-ci, excusez-moi. Hein. Oui, mais ça ne répond pas à ma question, tout ça. Oui, ben, écoutez, je n'ai pas envie de vous répondre, ça va? Bah, c'est pas très gentil, ça, madame. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, en fait, voilà, je me demandais, qu'est-ce qui est passé par la tête du premier homme qui a voulu prendre du lait sur une vache? Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous réveillez les gens, vous savez? Vous savez? Oui, bah, non, madame, enfin... À cette heure-ci, les gens, ils dorment. Ah oui? Bon, enfin... tous ceux qui vont travailler par après, d'accord? Oui, mais je vois pas le rapport. Pas faire. Essayez de sonner quelque part d'autre la prochaine fois, d'accord? Oui, mais ça répond pas à ma question, tout ça, madame. Oui, ça répond pas à ta question, mais je pense que tu vas pouvoir t'asseoir dessus. Hein. Bon, on va rappeler quand même encore un coup, on sait jamais. Hein. Allez, hop, retour à Oreille. Sur la vache? Non. Je savais que t'allais dire ça. Allô? Oui, allô, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Oui? Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Ah, c'est réussi, monsieur. Mais oui, monsieur. Vous êtes pas normal, monsieur. Mais si, monsieur, pourquoi vous dites ça? Comment? Moi, je suis en train de dormir, vous sonnez pour des conneries pareilles. Eh, attendez, je vous ai pas encore posé la question, comment on peut dire que c'est une connerie? Mais ne pose pas la question, monsieur, à cette heure-ci. Bah oui, mais si je la pose si pas... Si vous ne dormez pas, c'est pas ma faute, hein. Mais oui, mais si je vous pose pas la question, comment est-ce que j'ai la réponse? Allez, donnez la question, allez. Voilà, bah, en fait, je me demandais, à quoi est-ce qu'il pouvait bien penser le premier homme qui a voulu prendre du lait sur une vache? Oui. Bah oui. Bon, votre question et mes couilles, c'est le même. Votre question et mes couilles, c'est le même. Et oui, ben voilà une belle expression que je vais noter, tiens. Connard, tu as oublié connard. Oui, connard aussi, mais enfin, ça c'est connu. Hein. Donc, si vous, votre boss vous emmerde aujourd'hui, vous dites votre expression. Non, c'est quoi votre question, votre question et mes couilles, c'est les mêmes. Voilà. Ah ben, connard. C'est une bonne idée. Oui, connard, effectivement. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Il y a évidemment les relous qui ont été chopés sur le 0473 86 0013. On écoute le premier. contrôler Julie, c'est Karim, voilà, je t'ai laissé mon numéro, il a dû s'afficher, non? Est-ce que tu peux me rappeler? Je suis juste en bas de chez toi, merci. Oui, oui, je suis juste en bas de chez toi, est-ce que tu peux m'appeler s'il te plaît? Merci, je te remercie, deuxième message. Oui, bonjour, et voilà, j'appelle concernant votre besoin en termes de communication, si vous pouvez me rappeler à ce numéro. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir. Alors, il est pas relou, mais par contre, il a une voix chelou. Ah ouais, ouais, ouais. Bizarre. Bonjour, je vous appelle pour votre problème de communication. N'hésitez pas à me rappeler, s'il vous plaît. Ah, il a une voix un peu spé, il faut le dire. Je ne rappellerai pas non plus. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain, il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben, c'est perdu. Ah, alors t'as gagné. Ouais, bon, écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs. Le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Ce matin, on va faire connaissance avec Céron, qui mène une double vie, mais c'est pas tout, évidemment. Hein. C'est pas totalement ce que vous pensez. C'est ça que je veux dire. Céron a 41 ans. Il coule des jours heureux en région toulousaine. La nuit, Céron est stripteaseur. Le jour, c'est un pêcheur émérite. Et oui, un pêcheur, et oui, Céron ne pratique pas n'importe quelle pêche, évidemment. Il pratique le no-kill. Les poissons qu'il pêche, il les relâche. À part la considération de ses pères pêcheurs, cette seconde vie ne lui rapporte rien. Eh oui, bah, ça c'est sûr. Ça c'est bien la peine de... ça vaut bien la peine d'être no-kill pêcheur, quand même. Hein. Bon, donc, alors, ça sert à rien d'avoir deux vies, surtout. C'est ça, oui, c'est ça, c'est une passion, quoi, à la limite. Bon, donc, alors, du coup, pour pouvoir gagner de l'argent, bah, forcément, avec sa passion, il a un plan. Céron a eu une idée de génie. Réunir ses deux vies en faisant un calendrier de charme destiné aux pêcheurs. Eh oui, quelle bonne idée. Quelle bonne idée, Céron. Il va loin. Ah bah oui, plutôt de faire de simples photos avec la canne à pêche, non, il a décidé de faire venir quelques copines et de les faire poser avec des poissons, et donc ça donne des choses un peu bizarres, quoi. Ces shootings furent surréalistes. De mémoire de poisson, on n'avait jamais vu cela. Ouais, la poitrine, là, c'est bien. Pose ton sein sur sa tête, c'est bien. Et voilà. Allez, pose ton sein sur sa tête, c'est bien comme ça. C'est pas mal. Regarde la truite, elle est contente. Hein, regarde. Par contre, les séances de photos doivent aller très très vite, parce que si c'est un no-kill, bah, il faut bien qu'il les relâche. Donc, c'est, il le sort de l'eau, il le tient, dans l'eau de nouveau. Et ben voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, jusqu'à ce qu'il ait la queue qui frétille. Exactement. Bon, allez, 7h16 sur Fun Radio. Comme quoi, vous voyez, si vous avez des passions, elles ne sont pas forcément toutes bizarres. Hein. Ah, oui, non, mais alors lui, il est loin quand même. Il y a toujours pire ailleurs. Il y a toujours pire ailleurs. On peut en avoir un calendrier ou pas? Ah, bah, je sais pas, tu peux demander éventuellement. Hein, tu appelles Céron et puis ouais, tu verras. Hein. Bah, écoute, pour une fois que j'aurai deux tons sur la même photo. C'est ça. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.